Géraldine Mosna-Savoie. Alors vous, c'est compliqué, mais on va l'expliquer simplement. Allez-y. Vous êtes là cette semaine parce que la semaine prochaine, c'est Adèle Vendrette qui vous remplace et vous remplacez Adèle Vendrette au chemin de la philosophie à 10h. Mais en attendant, vous êtes revenue juste pour nous parler de vos vacances. Mais pourquoi pas ? Eh bien oui, écoutez, mes vacances étaient très bien. Et les vôtres, Guillaume ? Catastrophe. Non, j'y crois pas. Je vais beaucoup mieux depuis que je suis ici au micro. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes mieux quand vous prenez le travail. D'accord, bon, c'est vrai. Pour ma part, petite ombre au tableau, le temps. Le temps qu'il a fait, oui. J'ai eu la mauvaise idée de ne pas faire comme la plupart des personnes ici à Radio France. Je ne suis pas allée en Grèce ou en Sicile, mais dans le nord de la France, là où les températures étaient 3 jours sur 2 en dessous des normales saisonnières. J'ai donc passé une partie de l'été à actualiser l'application Météo France, ce qui, quand même, est un aveu d'échec. Enfin, pour Météo France. Si alors pour moi. Et j'ai donc passé une partie de l'été à parler du temps qu'il fait. D'une certaine manière, je dois dire, ça m'a changé des derniers mois passés chez moi en confinement, couvre-feu et autres télétravail. J'ai enfin été attentive à autre chose qu'au mur de mon appartement. Sauf que le ciel des Hauts-de-France m'a surtout rappelé la couleur de mon mur, à savoir blanc, voire grisâtre. Bref, j'ai donc passé une partie de l'été à parler du temps qu'il fait, ce qui revient aussi à profiter de l'été, car à quel moment peut-on autant parler météo si ce n'est quand on a le temps de regarder le ciel, même grisâtre. Bon, bah donc vous avez passé des vacances extrêmement fructueuses. Voilà, j'ai littéralement été en vacances, totalement ouverte et disponible au moindre échange concernant la météo. D'ailleurs, c'est aussi ce qui a animé une partie des gens sur Terre, que ce soit pour jouir d'un rayon de soleil ou s'alarmer des incendies et des températures délirantes sur la planète. J'ai même vu des personnes sur les réseaux sociaux s'inquiéter à la fois des feux sur l'île de Bé, en Grèce, et poster des photos d'eux sur l'île d'Hydra, en Grèce donc. Alors bien sûr, entre des vacances et le changement climatique, entre le mauvais temps dans les Hauts-de-France et les incendies dans le monde, il y a justement un monde. Et je ne vais pas vous parler du paradoxe qui consiste à s'alarmer pour la planète tout en se mettant de la crème solaire sur une plage grecque. Non, non, je vais plutôt vous parler de ce fait frappant, comme le temps qu'il fait, conversation jusque-là sans intérêt est devenue tout à coup si engageante. Paradoxalement, parler de degrés, de nuages et de normales saisonnières n'a plus rien d'anodin. On n'échange plus là-dessus pour meubler, mais pour véritablement exprimer quelque chose de soi, qu'il s'agisse d'une inquiétude écologique ou d'un état d'âme, les deux allant d'ailleurs parfois, souvent ensemble. Donc, quand vous nous parlez du temps dans les Hauts-de-France au mois d'août, c'est moins anodin que ça n'en a l'air. Exactement, Guillaume. Quand on parle météo, rien n'est moins important. D'ailleurs, c'est intéressant car en philosophie, par exemple, ça l'a toujours été de parler météo. Enfin, en tout cas, jusqu'à Montesquieu, qui dans la droite ligne des penseurs antiques et de leur théorie du ciel, propose dans l'Esprit des lois, en 1748, sa célèbre théorie des climats. Alors, pas du tout anecdotique et avec de grandes conséquences politique, sociale et domestique. L'air froid resserre les extrémités des fibres extérieures de notre corps, cela augmente leur ressort et favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. Et oui, et Montaigne d'ajouter qu'on a donc, je cite, plus de vigueur dans les climats froids, entendez plus de résistance et de vertu, et d'ajouter qu'il se produit le contraire dans les climats chauds. Alors évidemment, Montesquieu précise que la morale, certes modelée par la nature, triomphe toujours sur le climat, à force de lois et d'éducation. Personne n'est définitivement déterminé par le temps qu'il fait. Mais qu'aurait-il pensé aujourd'hui de ces petites conversations quotidiennes où la météo a pris le dessus, où les degrés modifient, voire entament nos âmes ? Car c'est bien le problème. La morale a peut-être triomphé du climat, mais le climat nous déchire aujourd'hui le cœur.